pense à toi, il pleut sur la ville. Il pleut tout le temps sur la ville. Parce que cette ville, c'est toi. Et sans toi, il ne peut plus faire beau. Il ne peut plus faire beau. Il ne peut plus faire beau. Je pense à toi, tu es dans la ville. J'aimerais être l'avenue de cette ville. Celle que tu arpentes, celle qui te voit. Celle que tu arpentes quand je me noie. Quand je me noie. Celle que tu arpentes quand je me noie. Il pleut sur Toulon. Comme il pleut, c'est pas bon. À toi, c'est pas bon. Quand je pense à toi, c'est pas bon. Quand je pense à toi, c'est pas bon. Je pense à toi, il pleut sur la ville. J'aimerais tellement te voir croiser ton regard. Qu'un bout de ciel perce les nuages. Que de lumière la ville devient coloriale. À toi.